écoutez Radio Campus Lille, il est 20h. Pyongyang City Rockers numéro 295, c'est maintenant sur Campus 106,6, une émission un peu inhabituelle, puisque ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de PCR avec un seul grand leader, moi-même. Donc bah voilà, on va s'occuper pendant une heure à passer beaucoup de musique et parler un petit peu de petits trucs comme ça, qu'on aime bien ou qui nous défrisent. Et puis bah on va quand même commencer par la rubrique qui maintenant commence à se répéter un peu trop souvent, le RIP. On commence donc par le cher disparu, repose en paix. Philippe Marcadet, t'étais un jeune hippie en 72 quand t'es parti de Paris pour New York. Là-bas, tu as rencontré les tout débuts du punk. T'étais un habitué des scènes new-yorkaises, les vrais du CBGB au Max Kansas City. T'as joué avec les plus grands du proto-punk et du rock'n'roll crade. Normal, t'étais toi-même un des plus grands du proto-punk et du rock'n'roll crade. Tu racontais toi-même dans ton bouquin « Au-delà de l'avenue D » sorti il y a une dizaine d'années, la joie d'être sorti vivant de ces années de cinglé entre New York Dolls, héroïne, blondie, alcool, Heartbreakers, Squat et les potes Rose Beef, Pistols, Feel Good, Clash. Le crabe du pancréas t'a remporté en quelques semaines et tu as passé la guitare à gauche avant-hier. Reste le témoignage sonore de ton groupe The Senders, ici en live au Max Kansas City avec Johnny Thunders en invité. Ben voyons, The Senders, Don't Mind Me. Yeah. Sanders avec Don't Mind Me. Si vous aimez ce genre de présentation où on tutoie les grands musiciens, écoutez, et si vous aimez la guitare, vous pouvez écouter Six Cordes, ça parle de guitare et de guitariste. C'est réalisé de main de maître et raconté de voix enjôleuse par l'ami Olivier. C'est chaque lundi de 17 à 18 sur Campus 106,6. C'est vraiment pour ceux qui aiment la gratte. Hein. J'en connais qui nous écoutent, qui n'aiment pas trop ça. Ne vous y aventurez pas. Alors que quand même, il y a des très bonnes choses qui passent là-dedans. Et dans tous les styles, hein, depuis le blues jusqu'au rock le plus rasé. Voilà, allez, une petite nouveauté qui traîne depuis un petit moment dans mes tiroirs et puis j'avais pas encore réussi à la passer. Je profite de cette émission pour rattraper plein de choses et je pars à Bordeaux parce que là-bas aussi on fait du crust et du 10 bits. Skip même que c'est une des spécialités de la ville. Voici donc Faucheuse où on retrouve des gens qui ont déjà officié dans d'autres groupes assez connus comme Bombardement ou Gas Mask Terror, entre autres. Ici, il y a un gros son 10 bits qui est enrichi par une sensibilité que je dirais rock'n'roll avec en prime. Et ce qui n'est pas pour me déplaire, un chant féminin. Eh ouais, vous me connaissez. Sur l'île, on peut trouver cette cassette chez Dirty Slap, une cassette 5 titres. Vous savez, Dirty Slap Records, le monsieur sympa qu'on trouve dans tous les concerts avec son petit inventaire bien fourni. Il y a donc, je pense, encore quelques cassettes de Faucheuse pour ceux qui voudraient en acheter. Et en plus, c'est à prix libre. Et puis sinon, si vous voulez vous procurer juste la musique en format numérique, vous pouvez prendre la direct de Bandcamp, comme d'habitude, faucheuse.bandcamp.com. La faucheuse, vous savez, la mort. Et qu'est-ce qu'elle raconte, la mort? En un éclair, les regards vides, c'est l'étincelle, trop court, ton souffle, course, poursuite, vivre après minuit, ville interdite, c'est ville interdite, par Faucheuse. C'était Faucheuse avec Ville Interdite. Allez, on se calme un petit peu et on remonte vers Rennes pour écouter Amas Blanc. Avant, ça s'appelait Brigitte et Michel. Bon, ils faisaient du shoegaze post-rock. Maintenant, donc, ça s'appelle Amas Blanc, A-M-A-B-L-A-N-C. Voilà, ça tire plus sur le sombre. Ils appellent ça de leur propre aveu. Cold Wave, Lo-Fi, vous trouverez toute leur production sur leur Bandcamp, amasblanc.bandcamp.com. Et puis, le titre que je vous passe maintenant, c'est Veins. Ça parle de blanc et de bras et de veines et de trucs qui voudraient essayer encore. Ouais, je sais pas, faites quand même gaffe à vous les gars, les filles, Amas Blanc avec Veins. Ouais. C'était les Néerlandais de Krustenunie, ils viennent de Leiden, donc aux Pays-Bas. Et ça, c'est sorti sur leur EP de 2021 qui s'appelait Dégoûtant. Bah ouais, quoi, hein. Je représente la compilation Pas une minute de silence dans Pyongyang City Rockers sur Campus 106,6. Vu qu'il est 20h15, il faut le redire, hein. Je représente donc, comme la semaine dernière, la compilation Pas une minute de silence sortie au profit des deux gars, Serge et Michael, qui ont été laissés dans le coma par les flics à Sainte-Soline il y a quelques temps déjà. L'un des deux, donc, maintenant est sorti de l'hôpital avec quand même des séquelles. L'autre, lui, y est toujours. Et pour les deux, de toute façon, c'est toujours pour toujours des complications, des vies ruinées à jamais. Donc, il y a une collecte, il y a des collectes qui ont été lancées pour leur filer un coup de main, faire en sorte que leur vie soit un peu moins pourrie que ce que les flics prétendaient leur refiler. Donc, il y a une compilation entre autres qui est sortie, sur laquelle on trouve une douzaine de titres plutôt punk, qui s'appelle Pas une minute de silence. On peut en trouver la version numérique dès maintenant sur Pas une minute de silence, tout collé, .bandcamp.com. Tiens donc, il y a une version CD qui devrait arriver courant juin. Et puis sinon, il y a aussi des informations, des communiqués, les liens vers les cagnottes qui sont trouvables sur le site web Les Camarades du S. Les Camarades du S. Là aussi, vous mettez pas d'espace, vous mettez pas de tiret, les camarades du S. .noblogs.org. Voilà, on vous répétera ces différentes adresses sur le site de l'émission et sur ces pages Facebook et Mastodon. Voici donc l'extrait de la compilation que j'ai choisi pour aujourd'hui. C'est un vieux truc qui a plus de 20 ans maintenant, de Catharsis. Ça s'appelle Absolution, sur la compilation Pas une minute de silence. Ouais, c'est bien hein, quand ça s'arrête. Plus de 8 minutes de bonheur, catharsis avec Absolution. Partons maintenant en Australie avec Electric Prawns numéro 2. C'est leur nom, Electric Prawns 2. Ça veut dire les crevettes électriques 2. Bon, bah voilà. Ils disent venir de Moffat Bay, donc quelque part en Australie. Mais en fait, leur album Prawn Static for Porn Addicts a plutôt l'air de raconter l'histoire de crevettes spatiales abordant notre planète pour... qui sait, en faire leur univers. Sur cet album, il n'y a quand même pas moins de 69 titres, lo-fi, indie, punk, bizarroïdal, pour vous raconter leur saga avec des chansons comme Let There Be Prawns, Local Prawns, Floating in Space, Neolithic Prawn, etc., etc. Ça se trouve sur leur Bandcamp, electricprawns2.bandcamp.com. Je jette ce soir mon dévolu et le vôtre en même temps sur Don't Fuck With The Prawns. Voici donc Electric Prawns 2. Yeah. On revient à Lille avec Hooverville. Hooverville, c'est une performance solo guitare-voix qui tire largement sur le folk. Aux commandes de tout ça, il y a Fikret, dont les anciens comme moi se souviennent, puisque c'était lui, le chanteur de l'excellent groupe punk hardcore lillois, La Gangrène. C'était il y a bien 25 ans. Maintenant, en 2023, fini le punk, place aux mélodies. Et l'inspiration, par contre, elle reste avec un je ne sais quoi de ressemblant dans le phrasé entre le passé punk et le présent folk. Tout ça est chanté en français. Il y a un 5 titres qui est sorti en 2020 en numérique et en CD chez Up for Veneration. Ce 5 titres s'appelle Nozer. Puis en ce moment, il se produit dans pas mal d'endroits. Bien sûr, c'est encore quelque chose que je devais passer depuis au moins 2 mois. Et puis à chaque fois, on a eu des invités et tout. C'est incroyable, ces invités, ils ne nous laissent pas en placer une. Enfin bref, voici donc les trains par Hooverville. Amnésiques et somnambules, triste vie sans lumière, existence murée dans l'ignorance et l'ennui, parcours aléatoires, oubliettes et cachots de l'histoire, étranges fantômes sans chaînes aux poignets, ni boulets aux pieds, au train où vont les choses. Vagabond du rail tous au départ, à courir les trains. Un long cortège funèbre, vivant plaqué d'attente, d'espoir et de mirage, qu'on finit par maudire, les pieds posés sur terre, les yeux tournés vers le ciel, mais rien n'est gagné d'avance, car même le ciel s'en balance, au train où vont les choses. Vagabond du rail tous au départ, à courir les trains. Au train où vont les choses. Vagabond du rail tous au départ, à courir les trains. Amnésiques et somnambules, amnésiques et somnambules, les trains sur Campus 106,6, il est 20h33, passé de quelques secondes. Si vous voulez retrouver Hooverville en concert, vous pourrez le trouver ce dimanche à Paris, au Cénobar. Je sais pas trop où ça perche. Par contre, il sera le 21 juin à Liévin pour la fête de la musique avec plein d'autres gens. Puisqu'on est parti sur les concerts, en avant Guingamp. Enfin non, pas Guingamp, on va rester en Nord-Pas-de-Calais pour donner un petit agenda de concert vite vite fait, mais vraiment vite fait. Hein. Et on va se limiter au nord et peut-être un petit peu au Pas-de-Calais, mais pas trop. Demain, à Bailleul, au tram ex-Barabao, vous savez, place de la gare, en face de la gare, il y aura non seulement Gros qui fait du pop folk blues reggae, mais aussi des DJ sets avec Toutone et l'ami Ben Bang que vous avez déjà pu entendre ici à plusieurs reprises. Wascal, toujours jeudi qui arrive, il y aura le Disorder Live numéro 2 avec Italia 90 et Vague. Vague, c'est vachement bien, c'est du post-punk vachement noise. Et tout ça se passera bien sûr au Black Lab. Toujours jeudi à Lille, dans un truc qui s'appelle le Stratula, c'est rue du Vieux-Faubourg, c'est pas loin de la gare ça. Il y aura Ribbon Stage, des New-Yorkaises qui font du pop garage punk. Sinon, au Watermoulin vendredi, il y aura Schuller's Division, Kill Test et Warm Exit 3. Trucs qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Voilà, ça sera vendredi au Watermoulin. Toujours vendredi le Zen, pour ceux qui veulent assister à un concert assis. Il y aura Jim Murple Memorial, c'est quand même des vieux de la vieille maintenant. Et c'est peut-être pour ça qu'on les met dans une salle où il faut les écouter assis. Ce sera la salle Georges Brassens à le Zen, juste à côté d'ici. Sinon, au Bidule, il y aura Missing Element et Last Flowers, de groupe indie que pas trop mal balancé. Pendant que au Malaise, à tourner, il y aura The Arrogance et Tuesday Violence. Ah tiens, Arrogance, tiens, ça faisait longtemps que j'en avais pas entendu parler. Je continue avec avec quoi ? Eh ben, avec donc Ama Blanc qu'on a écouté tout à l'heure, qui seront au Centre Culturel Libertaire en compagnie de Kalak et Tempête de Chienne. Un duo guitare, basse, voix. Oui. Il n'y aura pas de concert ici à Campus, vu que le groupe Intox Leader qui devait se produire des petits problèmes, je pense qu'il y en a un qui a un problème de santé, mais le concert n'est pas annulé, il est reporté à une date ultérieure, et donc c'est là, ce vendredi ici, il n'y aura pas de concert en live à Campus, c'est ça qu'il faut retenir. Aux Ibut Ulfi seront à Tourcoing au plateau, toujours vendredi. On va faire une petite pause avant d'attaquer la liste de samedi qui est hyper costaud. Non, je vais la démarrer maintenant. Sachez qu'à Hasbro, il y aura le Zemo Fest, donc samedi 10 juin. Zemo Fest, il y aura Skunk, Serve, Calcine, excellent, Montagne, excellent aussi, Veto, Jody Faster, mais enfin, qu'est-ce qu'il vous faut pour vous empêcher de vous déplacer, je vous le dirai après. Il y aura aussi Broken Ankles, Etna et Insurgent, ça sera au Skatepark Place de Gaulle, organisé par Z-Caster. Il y aura sinon à Dunkerque la fête de Lilo, donc c'est la fête des Catécluses, hein, ça, tout simplement, avec Do Nothing, Lambrini Girls, que Audrey nous a passé il y a quelques semaines de ça, Glass qu'on va écouter juste après, Meul, Yamanenko, enfin YMNK, bref, Nuri, Drug, qui fait du psyché bagarre, Oros et un DJ set. Tout ça, ça sera aux 4 écluses samedi à partir de 18h pour une entrée gratuite. Et ben, puisqu'on est parti sur Glass, et ben, je vous en passe un petit titre maintenant. C'est The Devil Owes Me sur Campus 106,6. Boum boum. Glass, The Devil Owes Me sur Campus 106,6, c'est l'émission Pyongyang City Rockers pour encore une bonne vingtaine de minutes. Ah oui, j'ai dit que c'était les Allemands, non je ne l'ai pas dit, maintenant je le dis, voilà, c'est bon. On continue et on finit ce petit agenda express à Goran Ramcroix, à côté de Tournai, il y aura Molaire, enfin un truc comme ça, du excellent hardcore punk, ainsi que Melly Dot Theory et Super 8 du post-punk, au bout de nos rêves bien sûr. Ça c'est samedi 10 juin, donc sinon à ne pas manquer au Centre Culturel Libertaire, il y aura la partie musicale du festival Silicate, où vous pourrez entendre les douces voix de Ch'ti Diaspora, Grabuge, Otage, Cran, Pédigré et Kronstadt. Kronstadt, à ce qui paraît, il y aura peut-être plus beaucoup de concerts avec eux, donc si vous voulez encore les voir une fois ou deux, c'est peut-être le bon moment. Sinon à FIV au musical, il y aura les Lucky Devils avec leur vieux psycho des familles. Il y a la partie festival de l'image imprimée et de la micro-édition du Silicate Festival qui a lieu samedi 10 et dimanche 11 juin. Et ça, par contre, c'est à la Malterie avec des tas de gens qui exposent et puis qui parlent de ce qu'ils font et puis qui vous montrent les trucs et tout ça. Enfin bref, c'est vachement bien. Ça se passe à la Malterie sur deux jours. La Malterie 250 bis, boulevard Victor Hugo. Et puis sinon, c'est tout. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va passer deux groupes qui vont passer au Silicate Fest. Et je pense qu'il va y avoir les Mookills aussi. Je ne l'ai pas dit. Pourtant, je l'avais marqué. Il y aura les Mookills au samedi aussi, en début de soirée, je pense. Au Yeti. Sans cette rue Masséna. Bon allez, et puis maintenant, puisqu'on est là, on va passer deux titres de groupes qui vont passer au Silicate Fest partie musicale au CCL, donc ce samedi à partir de, normalement 20h. Premièrement, donc, un petit titre de Kronstadt, Cœur à Corps, et ensuite Ch'ti Diaspora, qui vont se noircir sans plaisir. Je suis le dernier sauveur, mais à avec ton reflet torturé. Partout des cadavres ambulants, entourés de sourires mécaniques. Des faces rayonnantes de douleur, sale réalité asthmatique. Te noircir sans plaisir. Te noircir sans plaisir. Te noircir sans plaisir. Te noircir sans plaisir. Te noircir sans plaisir. Te noircir sans plaisir. La pollution des eaux t'asphyxie, tire toujours un paradis artificiel. Tu existes comme une pierre, tu n'es qu'une triste apparence. Te noircir sans plaisir. Te noircir sans plaisir. Dans cette vie, il se passe rien, juste des changements de décor. Des gens qui entrent et qui sortent condamnés à des joies. Tu te noircis sans plaisir, tu te noircis sans plaisir, tu te noircis sans plaisir. Tu te noircis sans plaisir, tu te noircis sans plaisir, tu te noircis sans plaisir. Tu te noircis sans plaisir, tu te noircis sans plaisir, tu te noircis sans plaisir. Tu te noircis sans plaisir, tu te noircis sans plaisir, tu te noircis sans plaisir. Ça aussi, hein, ça fait bizarre. Vous pouvez les retrouver, Ch'ti Diaspora, ce samedi au CCL pour le CI4 Fest. Puis maintenant, bah, on va refaire encore un petit peu de lourd, mais bien lourd. Hein, ça tire même vers le sludge. C'est normal, ça s'appelle Drudge. C'est un groupe qui vient de Tilt, le fin fond du Westhoek, vous savez, là-bas, en Flandre, belge. Eux-mêmes parlent de négative hardcore slash sludge. Bon, bah, c'est tout. Sans autre cérémonie, voici Drudge avec Opportuniste. I'm a real boss. Drudge, ah oui, je vous ai pas dit non plus que eux aussi ils ont un Bandcamp. C'est drudge-be.bandcamp.com parce qu'il y a d'autres groupes qui s'appellent comme ça, Drudge, et leur EP 4 titres qui est en fait enregistré dans leur salle de répète à Tilt est sorti en début 2023. Quand le shérif part en croisade, tous partent avec lui. Quand le shérif fait la fête, tous la font avec lui. Tout le monde doit respecter, tout le monde doit accepter, tout le monde doit comprendre qui est le shérif ici. Der Shérif, anti-amerikanisches Lied, tout est dit, deutsch-amerikanische Freundschaft. Will der Sheriff tanzen gehen? Tanzen alle, das ist schön. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes. Watching the ships rolling, and I'll watch them all away again. Sitting on the dock out of bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock out of bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. C'est beau cette petite reprise, hein. C'est pour tous les gens qui aiment bien ça, les reprises, c'est Tough Guac des Anversois. Si vous n'avez pas reconnu, c'est Sitting on the Dock of the Bay de Otis Redding. C'est notre dernier titre pour ce numéro 295 de Pyongyang City Rockers sur Campus 106,6. Restez à l'écoute, dans quelques minutes, vous retrouverez Jean Damien et son Teeth Grinder. Et puis ensuite, il y aura Nico, B-Boy Bouillabaisse. Et on finira avec la fine équipe de Camos, toujours sur Campus 106,6. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec plein de monde pour le numéro 296 de Pyongyang City Rockers. Et on n'oublie pas, All Cats Are Beautiful. Radio Campus Lille, 21h.